voir l'univers, il quittait son amour. Celle qui a un teint bleu et trois beaux petits yeux. Il partait d'Andromède pour la planète Terre, pour voir s'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose à faire. Oh, eh, oh, eh, oh, a quitté sa planète. Et ça se coupe bien nettoyé, c'est vite. Question de voir les étoiles puis les météorites. À quelques années-lumière, c'est arrêté pour boire. Montrer que c'est fatigant d'éviter les trous noirs. Oh, eh, oh, eh, oh, a quitté sa planète. Il a fait bien hâte de voir les oiseaux. On y avait parlé des arts des animaux. Plus ça avait l'air le fun. Encore quelques secondes, puis verrait des hommes. Oh, eh, oh, eh, oh, a quitté sa planète. Le pamphlet promettait le paradis sur Terre, un beau terrain de jeu qui coûterait pas cher. Mais il aurait dû savoir avant de partir que les agences de voyage ont le tour d'embellir. Sa planète.